Lettre 94e, Agathoclès à Phocion, Lauriacum, août 304. Depuis le bonheur que j'eus en te revoyant à Athènes, cher Phocion, une chaîne d'événements aussi importants que fâcheux n'ont cessé de traverser mes jours. Les lettres que je t'ai écrites, quoique assez rares, t'auront instruit suffisamment de ma situation. Je n'ai donc rien de nouveau à t'apprendre. Elle est encore exactement la même, et je ne vois pas quand et comment elle pourra changer. J'ai dans ce pays beaucoup à faire, et à préparer pour Constantin et pour mes frères. Peut-être que l'époque des grands événements et d'une réforme générale est plus prochaine que nous ne le croyons. Dioclétien est encore malade à Salone, où Constantin le soigne avec un amour vraiment filial. Galerius augmente journellement ses forces, soit en secret, soit ouvertement. Il est impossible à Constantin d'en faire autant dans les circonstances où il se trouve, sans exciter des soupçons, n'étant que le fils d'un César et non pas César lui-même. Il faut donc agir pour lui en silence, et tout doit être préparé par son père et ses amis. On a déjà fait beaucoup, mais notre tâche n'est rien moins qu'achevée, et j'espère qu'il en résultera un bien infini pour le bonheur de l'humanité. Toi, mon ami, tu n'entres pas dans nos idées, tu penses différemment. Je ne chercherai point à combattre tes opinions, moins encore à les juger, mais je sens que mon cœur se soulage en te détaillant les motifs qui me font agir et en l'ouvrant en entier au sage instituteur de ma jeunesse. Tu es convenu dans tes lettres qu'une religion est en général nécessaire à l'homme et que cette nécessité est fondée en quelque sorte sur sa nature. Parce que même dans un état d'ignorance complète, il montre des principes contraires à son bonheur. Mais toi, tu ne laisses qu'à l'esprit le soin de chercher le Dieu créateur de tout ce qui existe, celui qui tient la foudre et les vents dans sa main, qui donne à ses créatures tout ce qui est nécessaire à leur existence. Tu es persuadé que les notions que la simple raison suggère par la contemplation de la nature suffisent pour donner à l'homme l'idée d'un être supérieur et d'une continuation d'existence après la mort, et par conséquent, pour l'amener au degré de culture nécessaire à son bonheur et à sa moralité, et que toute autre révélation est pour le moins inutile. Je ne parlerai point de cette hypothèse, puisque l'histoire ancienne ou moderne ne nous offre aucun exemple d'un peuple qui se soit contenté d'une religion de cette espèce. Je te prie seulement d'observer combien, dans une nation qui se dit policée, vertueuse, instruite, est petit le nombre de ceux dont l'âme est assez élevée, pour n'avoir besoin que de leur propre conscience, peut-être, avec ce seul et faible secours, non seulement entraîner d'abord au bien, mais pour y persister constamment. Et ne serait-ce pas un rêve que d'espérer de voir arriver l'humanité entière à un si haut point de culture? Est-ce que les hommes, même dans une république platonique, ne seraient pas soumis et abandonnés aux erreurs des sens et des passions, aux illusions de l'amour-propre et des vaines recherches, à l'influence et à la puissance des éléments et aux révolutions de la nature? Que peuvent les systèmes des philosophes contre le pouvoir du malheur? Que peut la raison, si souvent égarée, qui ne possède que des suppositions sur les points les plus importants, contre la force terrible du doute, lorsqu'il a commencé à saper par les fondements la tranquillité de notre âme? Ô Phocion, pense à toi-même, à ton sort. Ma main tremblerait en rouvrant une ancienne blessure, qui peut-être saigne encore, pense-y bien. Et lorsque tu désires que le genre humain se perfectionne seulement par la raison et les sophismes, rappelle-toi l'heure fatale où le destin s'apesantit sur toi et déchira ton cœur. Ah, combien les systèmes des philosophes furent insuffisants pour te rendre le calme. Ce fut alors que le doute cruel s'empara de ton esprit, parce qu'il était assez éclairé pour reconnaître le vide et la nullité de tout ce que tu avais respecté, et que tu ne trouvas rien à mettre à la place. Non, Phocion, non, cela n'est pas possible. Cette créature faible, impuissante, soumise à tant de maux, à tant d'erreurs, ne peut pas avoir reçu de la Providence le soin de pourvoir seule à son bonheur et à sa tranquillité. Pense à toutes les sectes qui se succédèrent l'une à l'autre, renversant tour à tour celles qui venaient de lever la tête, et paraissant ainsi désavouer authentiquement ce que les siècles précédents avaient inventé et regardé comme sacré. Pense aux assemblées du Sénat. À chaque rassemblement entre des hommes, quelque petit qu'il soit, où chacun défend sa croyance par des axiomes puissants, où chacun se vante d'avoir la sagesse et la raison de son côté. Serait-ce donc au milieu de tant d'avis opposés que nous devons chercher et trouver ce qui est si nécessaire à notre tranquillité? Non, Phocion, il y a quelque chose de plus sûr pour nous conduire à la vérité, et que Dieu a donné à tous les hommes, aux sauvages aussi bien qu'à l'habitant fortuné des superbes cités de l'Asie, à Caligula, à Néron aussi bien qu'à Socrate, s'ils avaient voulu l'écouter. Il ne diffère chez les hommes que par l'éducation et les habitudes qui l'étouffent ou le développent. En un mot, c'est le sentiment, ou pour me servir d'une expression métaphysique, c'est le cœur, siège de nos sensations et de notre volonté. Les mortels en eux-mêmes sont tous égaux. Tous fuient le mal et cherchent le plaisir. Tous ont le désir du bonheur et de la tranquillité, tels que les eaux qui tendent toujours à revenir à leur niveau, malgré les obstacles qu'elles rencontrent. Tous aiment et haïssent de la même manière, seulement avec la différence que les uns s'y livrent ouvertement, les autres en secret, les uns avec véhémence, d'autres avec faiblesse, d'après les mœurs et le degré de civilisation qu'ils ont atteint. Mais personne ne trouve autour de soi sur la terre de quoi remplir uniquement son cœur et lui donner ce bonheur constant après lequel il soupire. Oui, Dieu a gravé ainsi dans le cœur de tous les hommes le vrai principe de la religion, en nous donnant l'amour et le désir du bonheur. Nous devons chercher Dieu par la pensée, et croire en lui avec une foi agissante et vive, quoiqu'il ne se montre à nous que par des moyens spirituels et hors de la portée de notre faible intelligence. La raison ne doit aider qu'à confirmer par l'expérience ce que notre sentiment intérieur nous dit. Notre foi consiste dans l'immortalité de notre âme, dans la conviction de l'existence d'un Dieu créateur et puissant, dont la bonté paternelle n'est jamais en défaut, et qui destine des récompenses à l'accomplissement de nos devoirs les plus doux, comme aux sacrifices les plus pénibles, et dans l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. Il faut convenir que tous ces dogmes ne sont pas les résultats d'une recherche subtile, mais celui d'un sentiment vif, d'une conviction intime, qu'aucune théorie ne saurait ébranler, parce qu'elle émane de Dieu même qu'il a gravé dans notre cœur. Lorsque le printemps donne aux chrétiens le ravissant spectacle du réveil de la nature, qu'elle se relève de son long sommeil d'hiver dans toute sa parure, que tout renaît à la vie, il n'est point entraîné par la sensualité, il n'éprouve point une impulsion coupable, il ne célèbre pas les fêtes de la veillée de Vénus par des chants et des danses voluptueuses. Mais la renaissance de la nature lui donne l'idée de celle qui l'attend au-delà du tombeau. L'immortalité se présente à lui comme les premiers rayons du soleil s'élevant derrière les montagnes, et dans tout ce qui leur anime, il sent la présence de son auguste maître. Chaque nouveau printemps réveille dans son cœur la force et l'espérance. Sa foi devient plus vive par les exemples sans nombre qu'il a sous les yeux, et les arguments de sa raison viennent alors confirmer la voix de son cœur. Je pourrais te donner encore bien d'autres preuves renfermées dans nos saints mystères si un tel sujet n'était pas trop étendu pour une lettre. Si je ne réussis pas entièrement à te convaincre, je désire au moins te montrer les motifs et les principes qui me font agir, afin que, si je succombe dans mes travaux, ton amitié puisse au moins me donner le témoignage que ma volonté était bonne. Adieu, puisse la céleste lumière éclairer aussi un jour, et ton esprit et ton cœur.